N.K. Jemisin, Les Livres de la Terre Fracturée. Tome 1, la cinquième saison. À ceux qui doivent conquérir de haute lutte le respect que n'importe qui d'autre obtient d'office. Prologue. Vous êtes ici. Commençons par la fin du monde. Pourquoi pas? On en termine avec ça, et on passe à quelque chose de plus intéressant. D'abord, une fin personnelle. Une pensée lui tournera dans la tête encore et encore les jours suivants, quand elle s'imaginera la mort de son fils en essayant de trouver un sens à ce qui en est aussi foncièrement dépourvu. Elle posera une couverture sur le petit corps brisé d'Huche, sans lui cacher le visage parce qu'il a peur du noir, et elle s'assiera à côté de lui, engourdie, indifférente au monde qui, dehors, touche à sa fin. Il l'a déjà atteinte en elle, et ce n'est pas la première fois qu'il en arrive là, ni dehors, ni en elle. Elle a l'expérience de ce genre de choses. Voici ce qu'elle pense, à ce moment-là et plus tard. Au moins, il était libre. Quasi question que sa facette perdue et sidérée arrive parfois à produire, obtenant toujours la même réponse de sa facette amère et lasse. Non, pas vraiment. Pas avant. Maintenant, oui. Mais il faut contextualiser. Reprenons la fin, du point de vue du continent. Considérons cette masse terrestre. Une masse terrestre des plus banales. Montagne, plateau, gorge, delta, rien que de très ordinaire. Banale, si on oublie sa taille et son dynamisme. Car elle s'agite beaucoup. Comme un vieillard qui remue dans son lit, elle se soulève et soupire. Pince les lèvres et pète, bâille et déglutit. Ses habitants l'ont évidemment appelé le fixe. C'est un continent d'ironie amère, quoique discrète. Le fixe a eu d'autres noms. Il a été jadis plusieurs masses terrestres distinctes. Il est à présent vaste continent sans solution de continuité, mais un jour, à l'avenir, il sera une fois de plus divisé. Ce jour est proche, très proche. La fin commence dans une cité, la plus ancienne, la plus grande, la plus magnifique cité vivante du monde, Lumène, qui fut le cœur d'un empire. Lumène est toujours le cœur de bien des choses, quoique l'empire ait dépéri passé son épanouissement, ainsi que font les empires. Lumène n'est pas unique par la taille. La région du monde qui l'abrite compte nombre de grandes cités, maillons de la ceinture continentale ornant l'équateur. Ailleurs, sur la planète, il est rare que les villages deviennent villes et les villes cités, car il est difficile de maintenir ces entités politiques en vie quand la Terre s'obstine à les dévorer. Mais Lumène connaît la stabilité depuis l'essentiel de ses 27 siècles. Lumène est unique parce que nulle part ailleurs les hommes n'ont osé construire sans se préoccuper de sécurité, de confort ou de beauté, en hommage au seul courage. Les murailles de la cité sont un chef-d'œuvre de mosaïques et de gaufrages délicats, qui décrit en détail la longue histoire brutale de ses habitants. La masse de ces bâtiments agglutinés est ponctuée de hautes tours évoquant des doigts de pierre, de lanternes fabriquées à la main et alimentées par cette merveille moderne qu'est l'hydroélectricité, de ponts délicatement arqués tissés de verre et d'audace, de structures architecturales du nom de balcon, d'une intrépidité si folle dans leur simplicité qu'ils en coupent le souffle aux spectateurs et que, à en croire l'histoire officielle, nul n'en a jamais construit auparavant. Mais l'essentiel de l'histoire échappe à l'histoire officielle, ne l'oubliez pas. Loin d'incruster ses chaussées de pavés faciles à remplacer, Lumène les couvre d'une substance lisse, continue, miraculeuse, que les gens du cru appellent l'asphalte. Ces bidonvilles même sont impressionnants, cabanes aux murs trop fins que la première tempête emporterait, mais aussi inébranlable aujourd'hui que depuis des générations. Au centre de la cité se dressent plusieurs bâtisses très élevées. Sans doute ne faut-il pas s'étonner que l'une d'elles surpasse par la hauteur et l'audace tout le reste de la ville. Une structure massive reposant sur une base pyramidale en forme d'étoile, aux briques d'obsidienne taillées avec précision. La pyramide n'est autre que la forme architecturale la plus stable, et ce bâtiment est une pyramide puissance 5 parce que, pourquoi pas? Et parce qu'on est à Lumène, Une vaste sphère géodésique dont les facettes rappellent l'ambre translucide en occupe le sommet, où elle semble osciller légèrement, bien que, à vrai dire, la moindre partie du socle soit conçue dans le seul but de la porter. Elle a l'air en équilibre précaire, cela seul importe. C'est dans l'étoile noire que les dirigeants de l'Empire se réunissent pour le diriger. La sphère d'ambre abrite leur empereur parfait, préservé avec soin. Il erre par les couloirs dorés, en proie à un désespoir raffiné. Il obéit aux ordres, il redoute le jour où ses maîtres estimeront sa fille plus décorative que lui. De toute manière, peu importe ses endroits et ses gens. Je ne les montre que pour contextualiser. Voici un homme qui va beaucoup apporter. Vous êtes libre pour l'instant d'imaginer à quoi il ressemble, à quoi il pense. Il est possible que vous vous trompiez, il s'agit de simples conjectures. Mais les probabilités s'appliquent malgré tout jusqu'à un certain point. Si on se fonde sur ses actes subséquents, il ne peut à cet instant avoir à l'esprit qu'un nombre limité de pensées. La colline sur laquelle il se tient est relativement proche de l'étoile noire au mur d'obsidienne. De là, il voit l'essentiel de la cité. Il sent sa fumée, il se perd dans ses jacasseries. En contrebas, un groupe exclusivement féminin parcourt un chemin asphalté. La colline fait partie d'un parc très apprécié des Luméniens. Gardez de la verdure dans l'enclos des murailles, conseille la lithomnésie. Mais la plupart des communautés cultivent dans leurs jachères des légumes et autres plantes destinées à enrichir la terre. Il n'y a qu'à l'humaine qu'on sculpte la verdure en beauté. Une des jeunes femmes vient de dire quelque chose qui amuse ses compagnies. La brise porte leur rire jusqu'à l'homme posté sur la colline. Ils ferment les yeux pour savourer le léger trémolo de leur voix et l'écho plus léger encore de leurs pas, ailes de papillons palpitantes contre ces Valupinae. Il ne saurait évaluer les 7 millions d'habitants de la cité, non. Il est doué, mais pas à ce point. La plupart d'entre eux sont pourtant là, oui, là. Il inspire à fond et devient composante de la terre. Les Luminiens foulent les filaments de ses nerfs. Leur voix agite les poils fins de sa peau. Leur souffle ride l'air dont il s'emplit les poumons. Ils sont sur lui, en lui. Mais il n'est pas, et il ne sera jamais des leurs. « Dis-moi, » lance-t-il sur le ton de la conversation, « tu savais qu'à l'origine, la lithomnésie avait bel et bien été gravée dans la pierre, pour que personne ne puisse la modifier au gré des modes ou des politiques, et pour éviter qu'elle ne s'efface ?» « Je sais, » dit sa compagne. « Oui, je suppose que tu étais là lors de sa rédaction, j'oubliais. » Il soupire en la regardant s'éloigner puis disparaître à sa vue. « Je ne risque rien à t'aimer. Tu ne me trahiras pas, tu ne mourras pas. Et je connais dès le départ le prix à payer. » Elle ne répond pas. Il ne pensait pas réellement qu'elle le ferait, mais quelque chose en lui l'espérait. Il est si seul. Toutefois, l'espoir est hors de propos, comme bien d'autres émotions qui, il le sait, ne lui apporteront que des espoirs s'il les envisage à nouveau. Il les a assez envisagés. L'heure n'est plus à l'hésitation. « Un commandement s'inscrit dans la pierre, » dit-il en ouvrant les bras. Imaginez qu'il a mal au visage à force de sourire. Il sourit depuis des heures. Les dents serrées, les lèvres retroussées, les yeux plissés, ce qui accentue ses pas de doigts. Sourire de manière convaincante est un art. Il ne faut pas négliger la participation des yeux, où les gens comprennent qu'on les déteste. Les mots gravés au ciseau sont définitifs. Il ne s'adresse vraiment à personne, mais près de lui se tient une femme, plus ou moins. Son imitation superficielle de l'humanité témoigne de sa bonne grâce, quoique l'ample robe qui la drape ne soit pas de tissu. Elle s'est contentée de modeler une partie de sa propre substance rigide de manière à satisfaire les préférences des fragiles créatures mortelles qui l'entourent à cette heure. De loin, l'illusion lui permettrait de passer pour une femme immobile, un certain temps du moins. De près, un observateur hypothétique s'apercevrait que sa peau est de porcelaine blanche, et il ne s'agit pas là d'une métaphore. Elle constituerait une belle sculpture, malgré son réalisme trop implacable pour les gens du cru. La plupart des Luméniens préfèrent l'abstraction polie à la vulgaire réalité. Lorsqu'elle se tourne vers l'homme, lentement, Les mangeurs de pierres sont lents, au-dessus de la surface terrestre, hormis quand ils ne le sont pas. Le mouvement transmue la beauté artistique en quelque chose de totalement autre. Si habitué qu'il y soit, son compagnon ne la regarde pas. Il ne veut pas que la répulsion lui gâche ce moment. Qu'allez-vous faire? Demande-t-il. Après, les tiens vont-ils émerger des ruines et dominer le monde dans notre sillage? Non, répond-elle. Pourquoi? La plupart d'entre nous ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours là. Vous, toi et les tiens, l'humanité. Elle le traite souvent comme s'il représentait son espèce tout entière. Il agit de même avec elle. Tu as l'air bien sûr de toi. Cette fois, elle ne répond pas. Les mangeurs de pierres prennent rarement la peine d'exprimer l'évidence. Tant mieux pour lui, car il n'aime pas qu'elle parle, jamais. L'air ne vibre pas alors comme pour une voix humaine. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne veut pas le savoir. Il veut juste qu'elle se taise, à présent. Il veut que l'univers se taise. « Ça suffit, dit-il, je vous en prie. » Il se tend alentour, avec la maîtrise parfaite dont le monde l'a doté en le conditionnant, le poignardant traîtreusement, le brutalisant, avec la sensibilité que ses maîtres ont sélectionnée pour la transmettre à travers des générations de viols, de coercitions, de sélections tout sauf naturelles. Ses doigts s'écartent, se tordent, quand de multiples points de réverbération naissent sur la carte de sa conscience. Ses frères esclaves. Il ne peut les libérer, pas concrètement. Il a essayé et échoué. Mais il peut mettre leur souffrance au service d'une cause qui dépasse l'hybris d'une unique cité et la peur d'un unique empire. Alors il se tend vers les profondeurs et s'empare de la vastitude vorace, fourmilante, résonnante, ondulante de la cité, du socle rocheux plus calme qui la porte, du mélange bouillonnant de chaleur et de pression qui le souligne. Puis il se tend plus largement, s'emparant de l'immense pièce de puzzle, la plaque de croûte terrestre, sur laquelle repose le continent. Enfin, il se tend vers le haut, en quête de pouvoir. Il s'empare de tout cela avec ses mains imaginaires. Les strates, le magma, les gens, le pouvoir, tout, entre ses mains. Il n'est pas seul. La Terre est avec lui. Et puis, il casse tout. Voici le fixe, qui n'est jamais fixe, même les bons jours. Le fixe ondule, répercute le cataclysme. Une ligne se dessine d'est en ouest, trop droite, presque parfaite, qui ne doit manifestement rien à la nature et englobe la ceinture terrestre équatoriale. Son point de départ n'est autre que la cité de l'humaine. Cette ligne brutale, profonde, coupe la planète jusqu'au sang. La braise rouge du magma libéré s'accumule dans son sillage. La Terre est douée pour se soigner. La blessure cicatrisera vite, en termes géologiques, puis l'océan purificateur suivra la faille et divisera le fixe en deux masses terrestres. En attendant, la plaie suppurante ne laissera pas seulement suinter une chaleur brûlante, mais aussi des gaz, des poussières, des cendres foncées. De quoi voiler en quelques semaines le ciel sur l'ensemble du continent. Les végétaux mourront, les animaux qui s'en nourrissent connaîtront la faim, et ceux qui se nourrissent de cela. L'hiver sera précoce, cruel et très, très, très long. Il s'achèvera un jour, certes, comme tous les hivers, et le monde redeviendra ce qu'il a été, au bout du compte. Au bout du compte. Les habitants du fixe vivent en état d'alerte permanent. Ils ont construit des murailles, creusé des puits, stocké de la nourriture. Ils survivront facilement 5, 10, voire 25 ans dans un monde sans soleil. Au bout du compte, signifie en l'occurrence dans quelques milliers d'années. Regardez, les nuages de cendres se déploient déjà. Pendant que nous considérons les choses du point de vue continental, planétaire, nous devrions nous intéresser aux obélisques qui planent au-dessus de l'ensemble. Les obélisques comportaient des noms différents autrefois, à l'époque où ils ont été construits, mis en place et utilisés. Mais nul n'a gardé le souvenir de leur nom ni de l'usage de ces grands dispositifs. Le souvenir dans le fixe est aussi fragile que l'ardoise. À vrai dire, de nos jours, Personne ne prête grande attention à ces choses, pourtant énormes, magnifiques et vaguement effrayantes. Des échardes de cristal massives lévitant parmi les nuages, tournant lentement sur elles-mêmes, dérivant le long de chemins aériens incompréhensibles, se brouillant parfois, comme si elles n'étaient pas vraiment réelles. Mais peut-être s'agit-il de simples jeux de lumière. Il n'en est rien. De toute évidence, les obélisques ne sont pas d'origine naturelle. De toute évidence également, ils sont incongrus, impressionnants mais inutiles. C'est un des innombrables tumulus d'une des innombrables civilisations détruites par les efforts inlassables de notre Père Terre. Il existe tant de cairns de ce genre de par le monde. 1000 cités en ruine, 1 million de monuments à des héros ou des dieux oubliés, des dizaines de ponts ne menant nulle part. Rien qui ne mérite l'admiration, affirme de nos jours la sagesse du fixe. Les bâtisseurs de ces antiquités étaient faibles, et sont morts comme meurent inévitablement les faibles. Ils sont surtout coupables d'échecs. Les bâtisseurs des obélisques ont juste subi un échec plus cinglant que la majorité. Les obélisques n'en existent pas moins. Ils jouent un rôle dans la fin du monde, et méritent donc notre attention. Retour au personnel. Restons terre à terre. La femme dont j'ai parlé, celle qui a perdu son fils. Elle ne se trouvait pas à l'humaine, heureusement, sans quoi cette histoire serait très courte. Et vous n'existeriez pas. Elle se trouve dans une ville du nom de Tirimo. Dans la langue du fixe, une ville est une forme de com, ou communauté. Mais Tirimo est tout juste assez grand pour mériter cette appellation. Il s'est développé dans la vallée du même nom, au pied des Tirimas, les montagnes. La masse d'eau la plus proche, la petite Tirica, comme on l'appelle dans la région, est un ruisseau, parfois à sec. Une langue qui n'existe plus, si on oublie ses fragments linguistiques persistants, comporte le mot « Eatiri » qui signifie « tranquille ». Tirimo est bien loin des étincelantes cités stables de l'équatorial, de sorte que ses habitants ont bâti en se préoccupant des inévitables tremblements de terre. Ni tours ni corniches audacieuses, juste des murs en bois et briques, les briques brunes bon marché du cru, sur des fondations de pierre taillée. Pas de route d'asphalte, juste des pentes herbeuses divisées par des sentiers de terre, revêtues pour certains de planches ou de pavés. C'est un endroit tranquille. Mais le cataclysme qui vient de se produire à l'humaine ne va pas tarder à envoyer au sud des ondes sismiques capables d'aplatir toute la région. Dans cette ville existe une maison comme les autres. Cette maison, édifiée sur une pente, n'est guère qu'un trou creusé en pleine terre, tapissé d'argile et de briques imperméabilisantes, puis couvert d'un toit de cèdres et de mottes de terre. Les Luméniens sophistiqués se moquaient, de ces excavations de primitifs, lorsqu'ils daignaient, évoquer ce genre de choses. Mais, pour les Tirimais, vivre dans la terre est aussi raisonnable que simple. La fraîcheur y subsiste en été, la chaleur en hiver. On y est à l'abri des secousses comme des tempêtes. La femme s'appelle Essun. Elle a 42 ans et ressemble à la plupart des moyennes. Grande quand elle se redresse, le dos droit sous un long cou, dotée de hanches qui ont porté 2 enfants sans difficulté, de 5 qui les ont nourris sans difficulté, de mains adroites et robustes. Elle a l'air solide, bien en chair. Des qualités appréciées dans le fixe. Ses cheveux entourent son visage de boucles rêches serrées, à peu près du diamètre de son petit doigt, d'un noir virant au brun à la pointe. Sa peau est d'un ocre sombre, déplaisant d'après certains critères, d'un olive pâle déplaisant d'après d'autres. Les Luméniens appelaient, les gens comme elle des bâtards des moyennes. Ils sont assez sansiens pour que ça se voie, pas assez pour que ça compte. Le garçon était son fils. Il s'appelait Huche. Il approchait de ses 3 ans. Petit pour son âge, précoce, avec de grands yeux, un nez minuscule et un sourire adorable. Rien ne lui manquait des caractéristiques dont se servent les enfants pour s'attirer l'amour de leurs parents, depuis que l'espèce humaine a évolué vers ce qui ressemble à de l'intelligence. Il avait l'esprit vif et la santé. Il devrait toujours être en vie. Elle se trouve chez elle, dans la pièce commune, autrefois confortable et tranquille. La famille s'y réunissait pour discuter, manger, jouer, faire des câlins ou des chatouilles. Elle aimait y allaiter Huche. Sans doute y avait-il été conçu. Il y est mort, sous les coups de son père. Et voici le dernier élément de contextualisation. Le lendemain, dans la vallée de Tirimo, les premiers échos du cataclysme ont déjà déferlé. Les répliques suivront. L'extrémité nord de la vallée est dévastée. Arbres brisés, à pic effondrés, voiles de poussière en suspension qui ne dissipent pas dans l'air figé, au relent de soufre. À l'endroit où a frappé l'onde de choc initiale, rien n'a résisté. C'était le genre de secousse qui réduit tout en pièces et entrechoque ces pièces jusqu'à les réduire en miettes. Il y a aussi des cadavres, de petits animaux incapables de fuir, des cerfs vidés et autres bêtes imposantes qui ont trébuché dans leur fuite et ont été écrasées par les éboulis. Quelques personnes assez malheureuses pour suivre la route commerciale le mauvais jour entre tous. Les éclaireurs tirimais qui sont allés jauger les dégâts au nord n'ont pas escaladé les éboulis. Ils les ont juste observés à la lorgnette depuis le tronçon de route épargné. Et ils se sont émerveillés de découvrir intact le reste de la vallée, la zone entourant le village sur plusieurs kilomètres à la ronde, dessinant un disque quasi parfait. Enfin, non. Ils ne se sont pas précisément émerveillés. Ils ont échangé des regards où se reflétait un malaise lugubre, parce que chacun sait ce que signifie une prétendue chance pareille. Cherchez le centre du cercle, avertit la lithomnésie. Il y a un gêneur quelque part à Tirimo. Pensée terrifiante. Mais il y a plus terrifiant encore. Les signes venus du nord et le fait que le chef de la com ait donné l'ordre à ses subordonnés de collecter, en revenant, le maximum de cadavres d'animaux bien frais. La viande saine sera salée, les peaux et les fourrures arrachées et séchées, au cas où. Les éclaireurs repartent enfin, très préoccupés par ce « au cas où ». S'ils avaient été moins préoccupés, peut-être auraient-ils remarqué ce qui se trouve au pied de la falaise en partie effondrée, discrètement logée entre un petit sapin tort et de gros blocs de roches fendillées. Quelque chose de remarquable par sa taille et son allure. Une masse de chalcédoine réniforme marbrée, d'un gris vert sombre, très différente du grès plus pâle qui a dégringolé aux alentours. S'ils s'en étaient approchés, ils auraient constaté qu'elle leur arrive à la poitrine et fait presque la longueur d'un corps humain. S'ils l'avaient touchée, peut-être aurait-il été fasciné par sa densité de surface. Elle a l'air extrêmement lourde, et son odeur métallique rappelle la rouille et le sang. Sa chaleur les aurait surpris. Mais non. Il n'y a personne aux alentours quand elle grince faiblement avant de se diviser, de se fendre proprement le long de son axe le plus long, comme si on l'avait scié. Le sifflement hurlant, qui accompagne la libération de la chaleur et du gaz sous pression, fait détaler les bêtes sauvages survivantes à la recherche d'un abri. Scintillement quasi instantané, la fissure déverse sa lumière, feu liquide qui matérialise autour du curieux rocher des plaques de verre calcinées. Enfin, le bloc de chalcédoine se fige pour un long moment. Il refroidit. Les jours passent. Plusieurs jours. Une poussée divise le rein minéral de l'intérieur. Son occupant le quitte en rampant, puis s'effondre à proximité. Un autre jour passe. La masse refroidie, coupée en deux, dévoile des entrailles tapissées de cristaux disparates, d'un blanc laiteux ou d'un vif rouge sang. Le fond des demi-géodes baigne dans un liquide pâle très fluide, quoique le sol alentour en ait absorbé l'essentiel. Le corps que renfermait la chose gît, face contre terre, parmi les rochers, nu, sec, mais toujours animé des tressaillements laborieux de l'épuisement. Toutefois, il parvient peu à peu à se redresser. Chacun de ses mouvements est réfléchi et très, très lent. Il lui faut longtemps pour se lever. Une fois debout, il s'approche en titubant, lentement, de la géode, à laquelle il s'appuie pour ne pas tomber. Ainsi étayé, il se penche, lentement, et y plonge la main. Un geste d'une brusquerie inattendue. Il a brisé l'extrémité d'un cristal rouge. un petit morceau de la taille d'un raisin peut-être, aussi aiguisé qu'un débris de verre. L'enfant, car c'est de cela qu'il a l'air, porte ce raisin coupant à sa bouche où il disparaît. Mastication bruyante, trop bruyante, craquement et grincement dont résonne la vallée. Quelques instants plus tard, le garçonnet déglutit. De violents frissons s'emparent de lui et il s'entoure un instant de ses bras. Un faible gémissement lui échappe. On dirait qu'il vient de prendre conscience de sa nudité, du froid, de ce que sa nudité dans le froid a de terrible. Un effort lui permet de se maîtriser. Il plonge à nouveau la main dans le rein minéral. Ses mouvements sont plus rapides maintenant. Pour en tirer d'autres cristaux, qu'il empile au fur et à mesure sur la géode, les gros cristaux émoussés s'effritent sous ses doigts comme du sucre, alors qu'ils sont en réalité beaucoup, beaucoup plus durs. Mais l'enfant ne rencontre aucune difficulté, parce que ce n'est pas réellement un enfant. Enfin, il se redresse, vacillant, de la pierre laiteuse où sanguine plein les bras. Le vent souffle une bourrasque aigre qui lui donne la chair de poule. Il se met à trembler, secoué cette fois aussi vite et fort qu'un petit automate. Puis il fronce les sourcils, mécontent de lui-même. Il se concentre. Ses mouvements se font plus fluides, plus réguliers, plus humains. Il salue le changement d'un hochement de tête, peut-être satisfait. Puis il fait volte-face et part pour Tirimo. Voici ce qu'il ne faut pas oublier. La fin d'une histoire n'est que le début d'une autre histoire. Après tout, la chose s'est déjà produite. Les gens meurent. Les ordres d'antan disparaissent. Les sociétés de l'avenir apparaissent. Quand on dit « c'est la fin du monde », il s'agit le plus souvent d'un mensonge, parce que la planète va très bien. Mais voici comment arrive la fin du monde. Voici comment arrive la fin du monde. Voici comment arrive la fin du monde. Pour la dernière fois.